J'ai beau chercher, je ne peux pas trouver d'autres garçons à aimer que celui que j'ai rencontré à Blue Bayou. Dans les cours et dans les bars, il chantait sur sa guitare pour quelques francs, pour quelques dollars à Blue Bayou. Je crois que j'aime. Sur ma ville, le soleil est haut sur son île. On est si loin de l'an 2000 à Blue Bayou. Dans les cours et dans les bars, je vivrai de sa guitare. Dans son vieux foulard à Blue Bayou. Bien sûr que j'aime.